Obtenir des renseignements sur l'organisation d'un week-end. Exercice 4. A. Allô, bonjour. B. Oui, bien sûr. Pour deux personnes, nous proposons un forfait de 740 euros, tout compris. C. Il comprend l'hébergement pour deux nuits, petit déjeuner inclus, le vol en montgolfière exclusif, les trois restaurants et une visite des caves avec dégustation gratuite. D. Vous dormirez en chambre d'hôte, dans une propriété du XVIe siècle. E. En fait, les chambres d'hôtes, ce sont des chambres meublées situées chez l'habitant dans sa maison. F. Alors, le lever est prévu vers 6 heures. Je vous emmène ensuite jusqu'au terrain de décollage qui se trouve près de Meursault. Le vol est prévu pour 7 heures. G. La durée de vol est d'environ 1 heure. H. Vous pouvez le faire maintenant par téléphone. Je vous demanderai juste de régler une avance de 50% pour la confirmation. Vous réglerez le reste sur place. I. Tout à fait. Vous pouvez m'envoyer un chèque à l'ordre de M. Vincent Lefort ou effectuer un virement bancaire. J. Parfait. J'attends donc votre appel. Au revoir.